Esprit Saint, Esprit de Dieu. Esprit Saint, Esprit de vie. Esprit Saint qui crie en moi. Abba, viens souffler dans nos vies. Viens sauver ce torrent d'eau. Que nous débordions de joie. Fortifie nos cœurs, fais-nous marcher par la foi. Oh. Esprit de vie. Comme un vent impétueux, fais tomber nos forteresses. Comme un feu du Dieu vivant. Purifie nos cœurs impurs. Comme un vrai consolateur, viens réparer nos blessures. Comme un vrai compagnon, redresse ton chemin tortueux. Comme un ami fidèle, fais-nous marcher dans la gloire. Où il vient susciter le réveil du temps de la fin. Nous avons besoin de toi. Marcher dans l'assurance, pour éloigner Jésus, nous y proclamer son royaume. Ô Esprit de Jésus-Christ, Esprit de la grâce. Esprit du Dieu vivant, viens tourner nos regards vers celui qui nous appelle, vers Jésus qui nous soutient. Ô Esprit d'amour, viens révéler les pensées de Jésus-Christ. Comme le feu du Dieu vivant, purifie nos cœurs impurs. Comme un vrai consolateur, viens réparer nos blessures. Comme un vrai compagnon, redresse ton chemin tortueux. Comme un ami fidèle, fais-nous marcher dans la gloire. Où il vient susciter le réveil du temps de la fin. Nous avons besoin de toi pour marcher dans l'assurance, pour témoigner Jésus et pour calmer son royaume. Comme un vent impétueux, fais tomber nos forteresses, comme le feu du Dieu vivant, purifie nos cœurs impurs. Pour le vrai consolateur, viens réparer nos blessures. Comme un vrai compagnon, redresse ton chemin tortueux. Comme un ami fidèle, fais-nous marcher dans la gloire. Où il vient susciter le réveil du temps de la fin. Nous avons besoin de toi pour marcher dans l'assurance, pour témoigner Jésus et pour calmer son royaume. Comme un vrai consolateur, Saint-Esprit, viens réparer nos blessures. sans bruit. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin.